Un invité, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste. Une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste d'aujourd'hui est celle de... Claude Delrieux. S'éloigne-t-elle quand je la course? Suis-je passé sans la voir? Est-elle cachée dans les secousses de mon ventre quand il fait noir? Les forêts mystérieuses, ou dans la solitude, dans la putain de solitude immense, vallée de désir, forêt mystérieuse, solitude et la pluie rieuse. Bonsoir Claude Delrieux. Bonsoir. Ariégeois de naissance, vous êtes né à Saverdun fin 1968. La légende veut que Claude Delrieux vous ayez commencé à martyriser un accordéon à l'âge de 5 ans. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que quelques années plus tard, vous ayez obtenu une médaille d'or pour votre sortie du conservatoire de Toulouse. Mes sections guitare. Depuis, vous faites feu de tout bois, Claude Delrieux, et puis au fur et à mesure d'une carrière et d'un parcours artistique sinueux, vous montez un univers plutôt multifacette. Ça commence avec Trick Track, groupe de punk agricole, à la fin des années 80, Trick Track, qui viendra enregistrer à Toulouse un album introuvable aujourd'hui. On vous entend ensuite et en vrac joué de l'accordéon aux côtés du comédien Jean-Pierre Borodon, chantant des textes de Philippe Léotard. On vous entend aussi participer avec Michel Vivoux et Cathy Fernandez à un spectacle Brassens, un autre autour de la figure de Jean Jaurès. On vous entend jouer de l'accordéon pour des spectacles de cirque, pour des spectacles de danse, mais aussi pour des spectacles équestres, comme vous venez de le faire pendant tout le mois de décembre, quelque part en Bretagne. Vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure. On vous écoute également en trio avec Loïc Lantoine et Éric Larenne. On vous entend participer à la compagnie des Musica Weird de Denis Charolle, au collectif Les Étrangers Familiers ou au duo Zap que vous formez avec le guitariste Pablo Nicolo. En solo, vous avez enregistré 2 albums, plusieurs duos, notamment un duo avec le pianiste Philippe Gelda ou le guitariste Thierry Pagès. On vous entend également sur disque en trio avec Jean-Marie Champagne et Philippe Gelda, encore une fois. Et dernièrement, vous avez participé au dernier enregistrement de Corentin Grélier et de son 7 têtes, dont vous êtes un membre permanent. Corentin Grélier, avec qui vous jouez également en duo, comme on vient de l'entendre avec cet extrait La Buissonnière, d'un concert que vous avez donné ici même, Claude Delrieux, en septembre dernier. Multi-instrumentiste curieux, fils et petit-fils d'accordéoniste, auteur, compositeur, interprète. Vos apparitions en solo, parce que vous en faites aussi, sont autant de spectacles funambulesques, portés par un humour décalé, une dérision désespérée et pleine de tendresse. Une humanité, un esprit foutraque, un éclectisme revendiqué que l'on retrouvera ou pas dans la liste de 10 morceaux de musique que vous nous amenez ce soir. Avant de commencer, Claude, quelque chose à rajouter à ce rapide portrait ? Oh non, je ne me rappelais pas que j'avais fait tout ça. Hein. Eh bien, très bien, et j'en ai oublié. Allez, Claude Delrieux, vous nous avez amené 10 morceaux, et je crois que je n'ai jamais autant rigolé à la lecture de votre liste. Ah bon ? On la commence tout de suite et on va vite comprendre. To be free, to be free, to be free, pour la première fois. Claude Delrieux, ça commence très fort, To Be Free, avec le morceau To Be Free. Et je me demandais si c'était quoi qui vous avait marqué dans ce morceau. Est-ce que c'était la déclaration d'intention, cette déclaration d'amour pour le collectif, le travail en groupe, ou quoi d'autre ? Alors, en fait, ce qui se passe. Non, c'est rigolo, ouais, comme. Ah, en plus, ça. Comme ça... début, ça. Ah, ça... Ouais, ouais, alors ouais. Bon, après, c'est la première fois que j'écoute les paroles de ce chanson. C'est pas mal, quand même. Mais oui. J'avais jamais écouté. Je me disais, un piano texte. Voix un peu plus lent et on comprendrait que c'est une chanson pour les prochaines manifs contre le projet de retraite. Tous ensemble, on s'est juré. Alors bon, il y a plusieurs choses. Déjà. Je me suis dit que vous alliez couper toutes les chansons au bout d'une minute. Alors je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait des trucs qu'on ait envie de couper. Celle-là, elle est bonne. Mais c'est pas la vraie raison. C'est que non, mais moi, c'est bon. Je sais plus quel âge j'avais, mais quand j'ai vu vraiment les boys bands arriver, ça a été une espèce de révélation, quoi, pour moi. C'est-à-dire que je sais pas. J'avais toujours une espèce de doute entre des trucs qu'on aime, des trucs. On a toujours une espèce d'admiration pour des trucs qui marchent, même si on n'aime pas trop. Et on pouvait avoir toujours des espèces de doutes sur, je sais pas qui, moi, n'importe qui, un Johnny Hallyday, par exemple, ou des fois, je me disais, mais quand même, lui, je sais pas trop, ou alors un autre, ou alors... Et là, tout d'un coup, tout était limpide. Et dans ma tête, je me suis dit, Ah, mais voilà la solution. Et ça a été, je ne sais pas, une espèce de libération de tout. J'ai enfin compris qu'il n'y avait absolument aucun lien entre ce que la qualité ou ce que tu produis et le fait que ça marche ou pas, quoi. Et je trouve que c'était super important, les boys bands, parce que ça montrait clairement ça. Parce qu'après, les Sex Pistols, c'est peut-être un boys band, mais tu peux toujours avoir le doute quand même. Tu ne peux pas te dire non, ce n'est pas possible. Et là, je trouvais que c'était... Voilà. Et je trouve que c'est la chanson que j'avais le plus envie d'amener ici pour ça, quoi. Ah, mais très bien. Voilà, ça va comme explication. C'est parfait, on va passer tout de suite au deuxième morceau. ACDC avec un vieux morceau, For Those About To Walk. ACDC, un groupe avec lequel vous avez commencé à vous imaginer guitariste électrique ? Ah, probablement, ouais. Alors après, ACDC, c'est marrant, parce que là, j'arrive au collège, en fait, et il y a marqué, effectivement, ACDC sur les tables, et moi, je copie bêtement ACDC, parce que je sais bien, quoi, avec les pointes, oui, là, et dessous, en général, il y avait Trust, avec donc le T et les trucs, et voilà. Donc au début, je connais pas ACDC, c'est juste le nom qui... Bon, après, je vous ai pas amené que des trucs que j'ai jamais écoutés. Ouais. Non, mais si, après, j'avais le disque, après, j'écoutais un peu ACDC, ouais. J'aimais... Mais je sais pas, le truc hard rock, j'aimais bien, ouais. J'avais des copains, un groupe qui s'appelait Too Much à Toulouse, vous avez pas connu ça? Et si. Ah ouais, je crois que Too Much, j'ai même un split album, comme on appelait ça, split disque, comme on appelait ça à l'époque. Vous avec, le ferez passer. Ah ben oui. Avec... C'était des copains, c'était cinq frères, Ardos, c'était incroyable, ouais. Ils avaient tous les cheveux longs. Au début, cinq frères, ils sont allés jusqu'à toute la famille. Après, il y a eu un chanteur, un autre, mais bon voilà. Et voilà, et... Ouais, après, quand j'ai fait mon groupe, ouais, je m'imaginais... Oui, sûrement, ouais. J'ai dû m'imaginer un peu... Bon, on s'imaginait tous un peu un gosse, quoi. Je le disais en début d'émission, vous êtes issu d'une famille d'accordéonistes. Votre père et votre grand-père jouaient de cet instrument. Je suppose qu'ils animaient les balles autour de Saverdun avec des formations de baloches pendant le week-end. Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison lorsque vous étiez plus jeune? Alors, mon grand-père, ouais, il jouait de l'accordéon diatonique et lui jouait dans les fermes, en fait. Lui, il faisait pas des balles, c'était à l'époque, donc c'était quand il tuait le cochon ou c'était plus ça. Et après, mon grand-père avait fait exprès d'acheter un accordéon chromatique parce que ça faisait plus sérieux et tout. Il avait fait prendre des cours à mon père et il avait vendu son accordéon diatonique pour pas que mon père en joue. Et mon père, lui, ça l'avait marqué. Enfin, c'est-à-dire qu'il était fils unique, dans l'Ariège et tout. Et le fait de jouer de l'accordéon, d'être dans un orchestre, ça l'avait, je sais pas, sociabilisé, faire rencontrer du monde et tout. Et donc, c'était hyper important pour lui qu'on joue de l'accordéon, nous, quoi. Donc, ma sœur, elle jouait. Moi, j'en jouais. Ma sœur, à 10 ans, elle a arrêté. Donc, moi, il me tardait d'avoir 10 ans pour arrêter. Mais non, en fait, moi, j'étais le garçon et ça marchait pas, quoi. Fallait que je continue. Donc, c'était un peu chiant. Au début, c'était un peu ça, quand même, l'histoire. Et après, je suis tombé un peu dedans, quoi. Ouais, ouais. Et après, il y a le conservatoire à la guitare. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment c'est arrivé aussi, ce changement de direction. Mais donc... Ah, mais là, alors c'est marrant, parce que alors là, pardon, hein, mais il y a un lien direct. Parce que là, c'est que moi, je voulais faire un Gus. Et donc, je suis allé voir un prof et il me dit, ah ouais, mais non, en fait, non, il faut une guitare sèche. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'au début, je voulais vraiment faire un Gus et... De fil en aiguille. Je sais pas, je devais être un peu malléable ou alors... j'étais peut-être aussi... touché par un peu toutes les musiques, en fait. Tu vas voir dans la liste, il y a un peu n'importe quoi et tout, quoi. Et donc, ouais, j'ai fait tout le coup le cursus conservatoire, alors qu'au début, je voulais faire un gosse, c'est bizarre. Mais il n'y avait pas la section ACDC. Il n'y avait pas la section un gosse. Il y avait la section guitare, mais elle était acoustique. Maintenant, ils font la section musique actuelle, mais j'ai des doutes sur le contenu, mais c'est ici, je ne sais pas, je ne connais pas. Oui, allez vous inscrire. Et donc, je repose ma question, qu'est-ce que vous écoutiez petit à la maison? Ah, alors petit à la maison, mais voilà, il y avait mon grand-père qui jouait de l'accordéon. Et après, parce qu'il s'était racheté un diato. Et mon père aussi. Puis après, non, la maison, c'était la télé, quoi. C'était les émissions de variété à la télé. Pas beaucoup de musique à la maison, pas de disques. Mais des partoches, ouais, des partoches, musette, quoi. Ben, d'ailleurs, je crois qu'on va y venir, là. Eh bien oui, on y vient tout de suite avec le troisième morceau. Le musette, on y est en plein. Ces morceaux-là, ça fait penser au bal du 14 juillet, au Tour de France, à Verschuren, à Duleu, à Yvette Horner. Ça, c'est l'univers musical dans lequel vous avez baigné enfin. Ouais, et puis même, il y avait ça, et côté traditionnel aussi. En fait, mon grand-père, il connaissait un peu des histoires et des chansons traditionnelles qu'il me chantait aussi. Ça comptait vachement parce qu'il me prenait sur lui, sur le feu de cheminée, il chantait tric-trac, mais c'est devenu le nom du groupe, mais bah, la fière, tous ces trucs-là. Tric-trac, mon compte à sa cabate. Et après, le côté musette, alors, j'en ai joué un peu. Bah, c'était assez dur parce qu'on a rigolé quand même. J'ai commencé hyper tôt, 13 ans. Des fois, quand j'y repense, je me dis que c'est presque du travail à 13 ans, quoi. Parce que tu rentres à 3 heures du mat, c'était rude quand même. Et c'est mitigé, quoi. En même temps, ça m'a appris des trucs. En même temps, on a rigolé. Et en même temps, c'était vraiment du boulot tôt comme ça. C'était un peu bizarre. C'est mon père qui m'avait un peu mis là-dedans, quoi. Et c'était des partoches à enquiller. Bah ouais, pas mal de musettes. Après, on fait des trucs qu'on avait envie. Alors, il y a eu des périodes où on a joué des trucs de Genesis. Ouais, on s'amusait, on essayait après. Parce que la structure était là, qu'on jouait. Donc, il y avait une partie un peu musette, une partie pas musette. Voilà. Et après, le musette. Alors après, j'ai lu des trucs et tout ça sur le début du musette, quoi, qui est la rencontre entre la cabrette et l'accordéon. Normalement, parce qu'on dit le musette, en fait, ça aurait dû être la musette, c'est la cabrette, et on appelle ça le musette par déformation, parce que ça aurait dû être le bal accordéon, et c'est devenu bal musette, parce que la cabrette est restée, on ne sait pas trop pourquoi. Et le côté malfamé, ça c'était bien avant tout ce que tu as cité, là, enfin Édouard Duleu et tout ça. Et Émile Vacher, c'était quand même un peu la période un peu avant, et c'était à Paris, plutôt dans le quartier Bastille, et ça a commencé même, je crois que c'était interdit la guerre de 14, donc c'était avant déjà. Et là, il y a tout un truc, bon, il y a Auguste Le Breton qui a parlé de ça et tout, et qui m'a intéressé. Enfin, après, c'est virtuel, parce que je n'ai pas connu. Après, ça a explosé après, dans les chansons, Piaf et tout ça. Mais le début de... Moi, dans ma tête, je compare ça un peu au punk en Angleterre, justement, quoi. Un truc qui s'est passé à un endroit précis, à un moment donné, par des rencontres, par un truc un peu malfamé, par des arrières-salles de café. Cette musique-là, elle est aussi liée aux Apaches, aux Apaches à Paris. Et oui, on l'a oublié. Oui, à ces petits truands qui traînent dans ces quartiers-là, Bastille et compagnie. Oui, alors on peut lire, bon, on ne pourra jamais y être parce que c'est passé, il n'y a pas... Alors il y a quelques films, s'il y a des trucs où je pense on sent un peu l'ambiance, quoi, mais... Oui, mais c'est marrant de se dire que Casque d'or, avec Reggiani, ouais, des choses comme ça, c'est un peu cette époque-là. Ouais. Et la guitare, c'est arrivé comment, du coup? Ah ben la guitare, c'est ACDC, là on a déjà dit, mais c'est vraiment arrivé par ACDC, par le rock, enfin, plus le hard au début. Et après, cheminant, bon voilà, c'était plus rock'n'roll et hip-hop. Et comment, avec cette envie de faire électrique, de faire punk, on en arrive à rentrer au conservatoire? C'était le trajet familial, ça? Si tu veux faire de la musique, il faut d'abord que tu l'apprennes? De toute façon, je sais pas. Ouais, parce que j'étais dans ce truc-là de prendre des cours, puisque je prenais des cours d'accordéon assez tôt. Déjà, mon père m'a montré l'accordéon, parce que c'était important pour lui. Donc, très vite, j'ai pris des cours. Donc, j'avais cette habitude un peu de prendre des cours. Et je me rappelle, on m'avait acheté une guitare électrique avec un ampli, une guitare électrique. Et seul comme ça, moi, je sais pas, j'écoutais pas beaucoup de trucs. Je devais connaître, peut-être j'avais un disque d'ACDC, je me rappelle pas. Et en fait, tu t'embêtes vite. Enfin, ouais. Je faisais du son, mais ce que j'avais à faire, c'est comment dire. C'est comme un peu quand tu as un synthé et que tu. Sur chaque son de synthé, tu te fais un petit morceau. En général, ça commence comme ça. Et la guitare électrique, c'est un son. Donc, tu fais un morceau et tu as fini, quoi, presque. Puis surtout si tu n'as pas de batteur à côté. Enfin, ouais. Bon. Et donc, on a dû me demander, je ne saurais pas les détails, mais est-ce que tu veux prendre des cours ? J'ai dit oui, ou alors c'est moi qui ai voulu en prendre, je ne sais pas. Et voilà, puis les cours, c'était. Et moi, je fais pareil, je donne des cours de guitare classique si quelqu'un veut faire de la guitare électrique. Enfin, je ne suis pas assez. Spécialiste, puis je comprends pas trop comment ça marche, s'il n'y a pas un batteur à côté, la guitare électrique seule, comme ça, c'est quand même le même instrument, les mêmes cordes, le truc au même endroit, donc je me posais pas la question, comme on m'a dit, on apprend le fa, il sera là, pareil, sur la guitare électrique, donc, et je me suis laissé glisser, en fait, dans le truc, parce qu'après, moi-même, je me suis amusé, hein, j'ai repris le solo d'Hotel California, normal, quoi. Mais après, j'ai dû trouver ça quand même plus riche, je pense, sur la période de ce que tu apprends en guitare classique, ce que tu peux apprendre, et encore c'est rien à côté du piano, mais c'est déjà quelque chose. Toujours à l'écoute de Campus FM, c'est l'émission La Liste. Oui, oui, je précise bien, vous êtes bien à l'écoute de Campus FM. Vous n'avez pas rejoint Rire et Chanson ou une quelconque émission qui diffuse des vieux tubes Désirless, Claude Delrieux. C'est parce que vous aviez envie de booster une nouvelle fois cette émission avec un départ. Je voulais taper fort, je me suis dit cette émission, il faut voilà. Taper fort. Avec un départ à Tony Truant avec To Be Free. Quatre morceaux plus loin, Désirless, Voyage, ça correspond à quoi ce morceau dans votre trajet artistique ? Alors bon, déjà j'aime bien cette chanson, je sais pas, il y a quelque chose dedans. Et de la même manière que je disais, il y a aucun lien entre un truc qui soit soi-disant bien ou qui ait du succès, etc. Dans l'autre sens, une chanson, je trouve que c'est fait pour ça presque, c'est fait pour que ça touche en fait, et il faut surtout pas qu'il y ait des super paroles, il faut surtout pas qu'il y ait de la super musique, enfin on s'en fout, c'est le mélange de tout qui fait que la chanson, le mix, le machin, qui fait que ça te touche et ça te plaît en fait, et il y a pas de règle quoi, moi c'est ça qui me plaît dans la chanson, précisément quoi. Et là, alors bon, je sais pas, cette chanson, bon, ce truc, j'avais dû avoir le 45 tours, j'avais laissé tomber, et en déconnant avec Philippe sur Romain Gelda, parce qu'on a fait aussi un bal avec Philippe Gelda et Thomas Fiancette, à un moment donné, on a fait un bal, c'était pour les 10 ans du Théâtre du Grand Rond, et il nous avait demandé, donc on a fait un bal un tout petit peu décalé, et c'était chouette, et alors après, c'était rigolo, parce qu'après, ce truc-là, il y avait quelqu'un là qui était un mec qui avait une entreprise là qui nous a dit « Ah, c'est trop bien, j'achète le bal », et il a acheté le bal, et en fait... Je vais un peu loin, mais ça rejoint Désirless. D'ailleurs, je ne sais pas si on faisait Voyage, mais sûrement. Et là, on s'est retrouvés à faire notre truc à peine un tout petit peu décalé, avec un public qui, lui, vivait pas du tout. Et là, on a dit, oulala, faut vite arrêter, on était largués, c'était rigolo. Et bon, cette chanson, je l'ai donc plusieurs fois chantée, en fait, dans différentes circonstances. J'aime bien la chanter, déjà. Et en plus, c'est quand tu vas à la patinoire à Blagnac avec mes filles, quand il y a Voyage, là, Là, c'est l'apothéose. Là, on s'envole. Là, on s'envole. On est le samedi soir à Blagnac. Voyage. Et là, tu patines. Enfin, moi, comme un pied, mais. Voilà, c'est. Ouais, on se retrouve. J'ai bien répondu, non ? Ouais, c'est pas mal. On se retrouve dans les nuages. Merci en tout cas pour nous avoir donné de diffuser pour la première et sans doute la dernière fois ce morceau de Désirless, donc qui est le fruit d'une réflexion poussée avec le pianiste Philippe Gelda, voilà. qu'il en soit remercié. Mmh. André Segovia dans une transcription pour guitare d'une chaconne de Jean-Sébastien Bach. Ce morceau pour nous rappeler vos années au conservatoire. Oh ben oui, je sais. En fait, c'est Bach. Il y a des pièces qu'on peut jouer pour le luth. Ça, c'est du violon transcrit. Et ça, c'est une pièce en plus. Alors là, pour le coup, c'est dommage de couper, mais là, il n'y a plus d'émission parce qu'elle est un peu longue, celle-là, quand même, la chaconne. Oui. Il y a je ne sais pas combien de variations. Et ouais, on se scande. Bon, on ne joue pas ça la première année, mais c'est une pièce un peu conséquente. Enfin, il n'y en a pas beaucoup des pièces pour guitare classique comme ça, quoi, qui ont cette ampleur, qui ont cette. Et c'est, ça marche. Je l'ai même entendu à l'accordéon, ça marche, quoi. Enfin, c'est un truc incroyable. Donc quand on joue ça, ben c'est un peu comme quand on patine sur des irlandais. C'est la même chose en fait. C'est un apprentissage difficile la guitare classique. Ouais, c'est assez difficile parce que c'est un truc où ça met du temps quand même quoi. Ça met du temps. Il y a toute la polyphonie elle est dans la même main et enfin dans les deux, mais le son est dans un truc comme Bach où il y a plusieurs voix. On peut jouer des fugues à trois voix, alors pas toutes, pas celles du piano, mais il y en a qui sont écrites vraiment, où tu peux tout jouer. Et ça prend du temps d'avoir une égalité dans les doigts, d'arriver à faire entendre les choses. Et c'est très dur en concert, quoi. Alors, ça marche mieux en duo. Et moi, j'ai parlé de Thierry Pagès, avec qui on a beaucoup travaillé, mais c'est parce que lui a passé beaucoup de temps à écrire de la musique. Et donc, ça faisait un peu laboratoire et on déchiffrait des trucs. Et en duo, on a joué un peu en concert. Alors, au début, on essayait de trouver des concerts. On a vite arrêté. On jouait au conservatoire à la fac, terminé un peu. Mais en duo, c'est presque agréable, quoi. Je me suis dit, ouais, si alors il n'y avait pas là la configuration, enfin, on n'a pas réussi à tourner, on va dire. Mais par contre, seul, alors quand tu passes le prix, c'est pas pareil, parce que là, tu travailles, je sais pas, 10 minutes, un truc comme ça. Tu travailles longtemps, beaucoup, tu es une période où tu joues 4 heures par jour et tout, donc tu es prêt, voilà. Mais préparer des concerts, il faudrait vraiment qu'il y en ait beaucoup, et c'est super dur, la hauteur de la chaise, tu commences à transpirer, si tu pètes un ongle la veille, c'est fini. C'est très très difficile, quoi. Ouais, plein de contraintes. C'est vraiment difficile, ouais. Le solo de guitare classique, ouloloro. Et par contre, la guitare électrique, vous continuez à en jouer assez régulièrement? Oui, alors après, les ensembles, ben, comme les musiques à Weir ou les... C'est très ouvert. Alors, avec Corentin, je joue beaucoup d'accordéon, mais ou des trucs plus expérimentaux. Alors, ben, tu parlais de, par exemple, Ad Lib. Là, c'est un truc avec Jean-Marie Champagne et Philippe Gelda qui est assez rock et où je joue de la batterie, par exemple. Mais c'est un truc qu'on fait ensemble, en fait. Et là, je viens de passer justement 5 jours de résidence à Millau avec les musiques à Weir, avec Loïc Lantoine, Eric Larenne, et puis après Denis Charol et Julien. Et il y aura aussi Aurélie Saraf à la harpe, et il y aura une chanteuse, a priori rappeuse, mais qui est en train de. On ne sait pas qui encore. Et c'est autour du label Sarava. Oui, donc le label de Pierre Barou. Oui, c'est ça, voilà. Et qui a fait découvrir dans les années 60, voilà, plein de trucs. Higelin, Brigitte Fontaine. Il y a eu Brigitte Fontaine, voilà. Et plein de et choses. Puis l'Art Ensemble est venu jouer pour ce label-là. Voilà, ça c'est. Et puis après, il y aura des écarts, hein, des périphéries, on va dire, de tout ça. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'on a un peu des spécificités, enfin, d'instruments, mais ben là, pour le coup, j'ai joué un peu de batterie, un peu de guitare. Julien, qui joue de la clarinette basse et du sax basse, à jouer de la batterie un peu. Enfin, une fois qu'on est là, on voit ce qu'on sait faire et on n'est pas arrêté à si on peut rendre service à faire du synthé ou un truc. C'est ce qui sort, quoi, ce qu'on arrive à faire ensemble, on n'est pas là pour montrer qu'on sait jouer d'un truc, quoi. Enfin, quand vous dites si on peut aider, il faut vraiment le pouvoir. Moi, si vous me demandez de vous aider à jouer du piano, j'en suis bien incapable. Le piano, là aussi, c'est arrivé petit à petit, c'est une extension de l'accordéon. Alors, il y avait un piano à la maison. C'est moi qui avais demandé ça. Donc, mes parents avaient acheté un piano. Donc, je bricolais. Mais là, c'est pareil. Mais c'est rigolo. C'est exactement comme la guitare électrique. C'est-à-dire que piano, je savais faire. Lettre à Élise. Ouais, non, une invention de Bach. J'avais bossé. Ah, pourquoi pas? Non, le tigadagada. Marche turque. Voilà. Pas la lettre à Élise. Ouais, un peu trop dur encore. Marche turque, truc. Et et comment il s'appelle, Dust in the Wind, là. Kansas, voilà. Kansas. Kansas, morceau de piano, là. Ah, ouais. Je sais pas quoi. Oui, qui se joue surtout à la guitare. C'est un magnifique début de guitare en arpège. Mais c'est pas Dust in the Wind que je faisais. C'est un morceau album de Kansas où il y a du piano. Bon, bref, j'avais joué trois morceaux et ça m'allait très bien. Quand je voyais un piano, je jouais ces trois morceaux. Et c'est dans la réflexion du répertoire de la guitare qui, ça m'a amené plein de trucs, mais qui finalement, à côté du répertoire du piano, est carrément étroit, quoi. Ouais. Et je m'y suis mis il y a 4-5 ans à prendre des cours de piano. Là, c'est pas du tout pour en jouer. En plus, ça me sert parce que ça fait vraiment travailler la tête et c'est hyper intéressant et le répertoire est incroyable. Et j'ai pris comme ça 6 ans de cours. Ah, après, ouais. Avec un très bon prof à Toulouse, la Russe. Mmh. Mais qui après était à la retraite, enfin qui était, il pouvait plus me prendre après parce qu'il était, il était problème de santé. Et là, ça fait un an et demi que je prends pas de cours, donc je travaille moins du coup, mais. Ouais, mais c'est un instrument que vous trouvez plus riche. N'empêche que pendant le Covid, c'est avec une guitare que vous avez balancé sur le net un répertoire de chansons que vous inspirez le Covid. Ah, il y a deux. Oh, j'ai fait pas beaucoup. J'ai fait une chanson à la guitare, une à l'accordéon, non, je sais plus. Oui. Ouais, moi j'en connais au moins deux à la guitare. Ah oui, d'accord, mais c'est possible. Oui, je me suis un peu amusé. Il y avait le temps de s'amuser à cette époque-là. Ouais, c'est une idée de comme ça. Mais en fait, là, en plus, c'est rigolo parce que la première que j'ai fait, c'est à Saverdun, une copine qui était à la mairie et qui me dit on essaie de faire des trucs, la mairie, là, pour. Tu voudrais pas nous faire une chanson? Alors, et voilà, c'est parti comme ça. Donc, j'ai fait un truc, quoi. Et la première, c'est une gloire à votre pépé. Oui, c'est ça, ça parle de ça, voilà. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Mais après, Trick Track, le groupe, là, c'est vraiment lié complètement à mon grand-père, en fait, qui me chantait. J'ai repris les trucs que me chantait mon grand-père à la cheminée et j'ai mis une guitare électrique dessus, mais voilà. Donc, parlons-en de Trick Track. Quasiment le premier groupe avec lequel on a pu vous entendre à Toulouse, donc un trio punk, mais chanté en occitan et avec un esprit musique populaire. Oui, basse, guitare, batterie. Alors après, on le mettait nous-mêmes, je crois, vers la fin, là, dans l'affiche. En fait, c'est du punk pour ceux qui connaissent le musette, et c'est plutôt du musette pour ceux qui connaissent le punk, quoi, parce que c'est quand même une espèce de grand écart. Mais moi, j'aimais bien ça. C'était pas vraiment défini. Après, on a un peu joué quand même. On n'est pas allé très loin, géographiquement. Mais c'est vrai qu'à cette époque, quand vous parliez de musette pour des gens qui connaissent le punk et du punk pour les gens qui connaissent le musette, c'est vrai qu'il y avait un groupe, par exemple, comme les Endimanchés, qui tournait autour du label Boucherie Productions, qui était un groupe voix-accordéon et qui marchait énormément dans tous les festivals de punk dans les années 80-85. Et oui, puis il y avait les Rosemary Babies qui étaient signés chez Boucherie. Et avec Eric Le Chien Fou, voilà. À l'époque, qui est devenu Eric Nemo et qui s'appelle en vérité Eric Pagès. Et qui est le frère de Thierry. Et qui jouait de tout à ce moment-là, y compris de l'accordéon. Toujours, hein, d'ailleurs. Ouais. Vous évoquiez il y a deux minutes la marche turque de Mozart. On le retrouve. Le voici. On le retrouve là, Mozart, avec le Lacrimosa de son Requiem. Ce morceau, quelle importance pour vous? Alors, je vais frimer là. Ah ben, allez-y, c'est le moment. Là, vous avez quand même plein de choses à vous faire pardonner. Bon, ouais. Allez-y. Je peux y aller, j'y vais là. Ah ouais. La tartine. Bon, alors voilà, j'ai chanté le Requiem de Mozart à la Hallograin, dirigé par Yehudi Menuhin. Ah Ah oui, quand même. Ah oui, alors là, pour le coup, là, ça en jette. Dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé à chanter? Alors, bon, déjà, je voulais faire du chant parce que j'avais envie de. Ben, c'est prêt pour... En plus, le chant, moi, ça a été presque l'extension de l'accordéon. Quoi. C'était d'abord l'accordéon et c'est par extension, des moments où j'avais essayé de mettre une grosse caisse et tout ça, puis il y a la voix qui vient parce que ça reste un truc que tu peux faire en plus. Bon. Et après, j'ai pris des cours de chant lyrique un peu par hasard, parce que je connaissais une prof que. Des copains y allaient du conservatoire et qui donnent des cours particuliers, enfin qui donnaient, parce qu'elle n'en donne plus, mais qui était pianiste aussi. Bon, enfin voilà. Et après, je me suis inscrit, mais pour l'expérience comme ça, au chœur régional Midi-Pyrénées, qui était dirigé par Alex Bourbon. Et cette année-là, il y avait eu la Passion selon saint Matthieu de Bach. Alors moi, je n'avais pas de problème de lecture, donc ça les intéressait vachement. J'étais ténor. Voilà, et après, j'ai fait ça un an, quoi. Et pendant, j'avais toute la répétition, tout ça. Et la passion, voilà, c'était... Bon, c'était plaçant, c'était notre ambiance, là. Mais c'était bah, une œuvre, quand même. Et après, on a eu ce Requiem de Mozart. Alors, c'est Yehudi Menuhin, vers la fin de sa vie, en fait, il dirigeait des orchestres... il venait avec son orchestre, il tournait comme ça, et il prenait des chœurs qui avaient bossé le morceau, quoi. Mmh. Et on avait une répétition l'après-midi, et c'était hyper bien... Un peu l'air resté de plaçant quand même, parce qu'il nous encourageait à fond. Il était avec ses yeux là, pétillants. Il arrivait là, en jean avec un pull. Tu aurais donné une pièce presque l'après-midi, en train de nous encourager. Oh, c'est super le travail que vous avez fait et tout ça. Et, là, et le soir, il arrive avec son super... son de papillon, son stocking. Papillon de fou là. Il te regarde, sourire et tout. Et donc le morceau, évidemment, il s'imprègne. Quoi. Après, moi je suis venu beaucoup à la musique en la jouant, mais j'ai quand même... Par extension, écouter Mozart a fait plein de trucs, mais là particulièrement, quoi. C'est quand tu, en plus de l'avoir traversé comme ça, parce qu'on l'a beaucoup travaillé, et en plus la soirée avec. Avec Menuhin. Voilà. Ah ben oui, quand même. Menuhin, un souvenir à part ses yeux pétillants. Et ben non, mais c'est vraiment le fait qu'il nous, enfin qu'il a encouragé à fond, c'est ça surtout quoi. Ouais. Parce qu'après ça va très vite quoi. L'après-midi, on le voit, il est venu travailler, voir où ça en était. Tu vois qu'il est, il capte vite ce qu'il faut vite travailler, pas travailler. Mais on n'a pas passé plus qu'une journée. Et donc tout va très vite quoi. On est dans le travail de suite, mais très encourageant. Et voilà. Puis le soir et puis ça. Voilà. Mais c'est vrai que dans un CV, ça le fait, ça. Une ligne, participer à un travail avec Yehudi Menuhin. La musique classique, c'est quelque chose qui a une place importante dans votre écoute. On a compris que vous étiez très chanson, que vous pouviez être assez rock, que vous travaillez beaucoup dans le milieu des musiques improvisées. La musique classique, ça reste quelque chose que vous continuez c'est à écouter. Égalité, mais en plus, moi, j'écoute vraiment pas beaucoup de musique. J'écoute vraiment beaucoup. Là, ce qui me plaît le plus d'écouter, et à force, je l'écoute presque comme de la musique, d'ailleurs, il y a un truc après, c'est la voix, en fait, parler. Et j'adore, alors, pas trop les textes, en fait, pas la comédie française et machin, mais c'est plus, dès qu'il y a quelqu'un qui parle, enfin, Les Pieds sur Terre, par exemple, ce genre d'émission où il y a, ça c'est toute Transculture à 13h. Oui, mais c'est pas ici, oui. Maintenant, il y en a plein de, pardon. Il y en a plein maintenant, des podcasts et des où il y a des gens qui parlent d'un truc pas forcément connu ou des, voilà. Et ça me prend énormément de temps, en fait. J'écoute beaucoup ça, j'écoute des fois ce que ça dit, mais des fois même pas, en fait. La voix parler, c'est ce qui me plaît le plus à écouter. Donc ça, voilà, ça me prend du temps et tout. Mais après, c'est vraiment à égalité, c'est par période, quoi. J'ai eu des périodes, alors au conservatoire, j'allais tout écouter, alors j'en c'était sur les cassettes, je faisais par ordre, B, Bach, C, Chopin, et allez, vas-y, Debussy, tout. J'écoutais beaucoup, après rock, j'avais écouté. Après... Mais le truc qui m'a le plus, c'est les Cramps, c'est les trucs un peu rock quand même, quoi, qui m'a un peu le plus animé. Yeah. Vous parliez des Cramps, les voilà. C'est l'enchaînement quand même. En quoi c'est important pour vous les Cramps? Bon, c'est le mouvement punk, mais ils sont pas dans le punk, ils sont dans le psychobilly, ils sont dans cette espèce de mix entre la culture populaire de l'Ouest américain et le son très très rock. Mais c'est quoi qui vous plaît dans cette approche là de la musique? C'est l'énergie en fait, c'est ce que ça dégage quoi. C'est à l'écoute même, je trouve qu'il y a un truc brut et un truc un peu naturel, je sais pas comment il faisait pour... Alors l'album est super, et puis après là sur internet il y a toutes les versions live de ce... Parce qu'ils ont repris Sans Fil d'un, qui est un morceau des Sad Men, et qui après qui avait été aussi repris d'un groupe noir américain je crois, et qui avait été un peu chanté par hasard, enfin je sais pas d'où il vient cette histoire de Sans Fil d'un, il y a toute une... Et ils se sont emparés de ça, après il y a eu les Ramones aussi. Qui ont chanté aussi le même truc. Mais j'aimais bien aussi les Ramones. Mais les Cramps, je sais pas, ils ont un truc à eux qui est très communicatif, quoi, que je trouve encore actuel. Après, je sais qu'il est... Il en reste plus beaucoup là. Non, ils sont tous morts. Je crois que Ivy Poison est toujours là. Elle est toujours là, voilà. mais il en reste plus beaucoup du groupe. Et puis cette idée aussi, je crois qu'ils étaient collectionneurs de disques ou je sais pas quoi. Et y a une espèce de logique dans ce qu'ils font. Par exemple, je pense que ça lui pas. Enfin, je sais pas, je connais pas ça, mais je pense pas qu'elle soit lui soit venue à l'idée de jouer de la musique après les Cramps. Et c'est le genre de groupe. En tout cas, lui là, le chanteur est. Comment il s'appelle C'est pas Lux Interior, ça, c'était le guitariste. Si, c'est ça. C'est Lux Interior. Ils ne savent jouer que les morceaux qu'ils jouent, quoi. Ah. C'est-à-dire, c'est tout, ils n'ont pas appris un autre morceau. Alors, c'est l'inverse de tout ce que je viens de raconter sur moi. Mais j'aime bien ça, je trouve que dans la chanson, c'est presque un plus de savoir faire qu'une chose, quoi. Et de se livrer presque comme ça. C'est ce que vous essayiez de faire avec Trick Track? J'avais pas cette conscience, j'avais envie de dégager cette énergie avec des copains, de s'organiser un peu, on répétait une fois par semaine, mais j'avais pas la prétention, je connaissais peut-être pas bien, enfin un peu de loin, mais sinon j'aurais même pas fait, parce que là c'est inégalable, enfin ce Trick Track c'était plus s'amuser à ce truc, juste cette filiation de mon grand-père, je crois que c'était plus ça en fait, c'est ce mélange là et de l'électriser et de le partager, voilà, parce que là... Rassurez-moi, le punk était quand même arrivé à Saverdun. Oui, mais... Ouais, mais il avait mis du tac. Non, c'est pas ça, c'est que... Le mot punk, je trouve qu'il est trop utilisé, trop facilement. Enfin, c'est un truc un peu à Londres, à un moment donné, qui s'est passé. Après, on a tout est punk. Maintenant, dès que ça y est, t'as une pingue à nourrice qui traîne, tout est punk, quoi. Enfin, moi, je sais pas trop ce que ça veut. Rock, punk, enfin, voilà. Voilà, je modère le... L'expression. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa le pa pa le faux pa le pa pa pa pa le pa le mot le mauvais le mauvais pa pa pa pa le pa le papa le mauvais papa le mauve le pa pa pa passe pa pa passe passe passe, il passe, il papa, il passe, le pas du pas du pape sur le pape du pas du passe, passe, passe, passe le sur le pas, le passi, passi, passi, pisser sur le pape, sur papa, sur la pipe du papa du pape, pisser en masse, passe, passe, passi, passe, passi, la passe, la basse. Passi, passe, passi, la passion, passion, basson, le bas. Claude Delrieux, vous nous parliez tout à l'heure de votre amour pour la musique des mots. Là, on vient d'écouter passionnément du poète Gérasim Lucas. Là, c'est du haut. Voilà, c'est le haut du panier de la voix de la musique des mots, justement. Deux mots déjà sur ce Gérasim Lucas. Par un peu le théâtre du hangar que j'ai un peu découvert comme ça. Il y a là-bas Sébastien Lespinasse qui travaille comme ça sur les sons, sur la poésie sonore en fait. Et alors comment j'y suis tombé dessus, je sais plus. Ah si, c'était avec un duo avec Mélodie Barrault, On avait un duo qui s'appelait Encore. Et elle m'avait amené un livre de Gerasim Luka et on s'amusait entre les chansons et tout ça à dire du Gerasim Luka. Voilà. Et voilà, ça m'a plu de suite. Et donc, et après, j'ai vu qu'en plus, il a. C'est vraiment. Une partition en fait, son truc. Et alors il y a un texte que je fais, c'est un truc qui sur le vide et le plein. Ça s'appelle Autre secret du vide et du plein. C'est un texte qui est écrit assez. Moi ça fait c'est vide. Oh je saurais pas le dire là. Mais c'est un des seuls textes où je me suis amusé à mettre un peu de musique. Mais globalement, Gerasim Luka c'est déjà une partition qui est complète quoi. Et tu peux rien rajouter dessus. Et lui faisait apparemment des concerts en fait quoi de. Et voilà, je trouve ça fascinant quoi, d'arriver à faire ça. Le travail que vous avez pu faire avec Philippe Gelda, le pianiste, mais également chanteur et puis musicien, inventeur. J'allais dire, classique, inventeur, mais spécialisé aussi dans les musiques improvisées et ayant expérimenté quand même pas mal de choses. Le travail que vous avez fait avec lui était aussi un travail sur les mots, sur les textes et sur les sonorités. Et oui, alors lui, je m'étais amusé à... Ça, c'est parce que j'avais fait Avignon avec Jean-Pierre, en fait, Bredon. Et donc, j'avais du temps. Alors, je me suis dit, bon, je m'organise. Et tous les matins, j'écrivais des textes. Et j'avais un gros tas, comme ça, de... Bah, il y avait beaucoup de listes à l'époque, comme ça, un peu des jeux sur les sons, enfin, comme ça, sans prétention. Mais... Et j'ai proposé à Philippe qu'on travaille sur ces textes-là. Et on s'est amusé à faire dos à dos. Donc, c'était, il y avait des textes écrits, en fait. Qu'on respectait, enfin, c'est moi qui les disais en principe, et lui aussi quelques-uns. Et la musique était improvisée tout le temps. Et Adlib, c'est un groupe avec Jean-Marie qui a pris les textes. Champagne. Mais dont la musique est improvisée aussi. Voilà. Après, on a réussi. Alors, c'est compliqué quand tu fais de la musique improvisée sur disque parce que ça fait comme un peu des chansons et c'est derrière pour les refaire, c'est long après. Ouais. Parce que tu peux pas refaire, on ne peut pas refaire exactement ce qui a été fait et on peut pas faire. On s'en imprègne quand même et ça met du temps en fait. On y arrive, mais il faut du temps derrière après. Oui, puisque Dos à Dos, c'est un album, mais c'est aussi un spectacle que vous avez joué. On a joué, assez souvent. Oui, on a, pendant une période, on s'est occupé de ça. Tu kiffes là ? Tu kiffes là avec quoi ? Des lapins ? Je le sais, que tu kiffes, que tu kiffes, que tu kiffes. Mais qu'est-ce que c'est qui te fait kiffer ? Des lapins ? Ouais, l'apéro ? Non, c'est l'apéro qui te fait kiffer. Si tu kiffes, tu le sais ce qui te fait kiffer. Tu kiffes là ? Tu kiffes là avec quoi ? Des lapins ? Ah mais tu kiffes pas. Pourquoi tu kiffes pas ? Rien ne te fait donc kiffer. Rien ne te fait donc kiffer. Si rien ne te fait kiffer, t'es mort. Même pas tes lapins. Tu kiffes là. Tu kiffes là. Avec quoi tes lapins. Il faut que tu kiffes, il faut que tu kiffes. Il faut que tu kiffes dans ton chien ou ta loutre au pire. Il faut que tu kiffes, il faut que tu kiffes. Il faut que tu kiffes dans ton chien ou ta loutre au pire. Tu kiffes là. Tu kiffes là. Avec quoi. T'es lapin ? T'es lapin ? T'es lapin ? Quoi ? Quoi ? T'es lapin ? Quoi ? T'es lapin ? T'es lapin ? Tu kiffes là ? Tu kiffes là ? Avec quoi ? T'es lapin ? C'est pas juste, vous l'avez mis plus longtemps que les autres. C'est parce qu'il est court. C'est vrai que ça sera le seul morceau qu'on entendra jusqu'au bout. Claude Delrieux, un morceau qui a votre patte, c'est vous qui l'avez composé, c'est vous qui l'interprétez, vous faites tout, les voix, les claviers, l'accordéon. Par rapport à ce que vous venez de nous dire sur Gerasim Luka, c'est l'illustration aussi de ce que vous pouvez imaginer pour faire sonner les mots. Ouais, et alors après, ça c'était... Enfin, pour faire peut-être de la musique même avec des mots. Ouais, c'est il y a un moment, ça c'était... Enfin, Ouais, ça devait être début des années 2000, je ne connaissais pas, je pense, Jurassic Luca en fait. Et, et c'est pour ça, après, c'est rigolo. Après, on rencontre des trucs, on se dit, ah, c'est marrant, et on trouve des liens, sans prétention, parce que voilà, ce n'est pas le même travail. Là, c'est une chanson, ça fait trois mots, mais on se trouve des. Parce qu'au début, on ne sait même pas pourquoi on écrit ça en fait. Quoi. Moi, c'était parce que il y a eu des histoires de voisinage dans la ferme où j'habite, en fait, où à un moment donné, il y a deux frères qui avaient partagé la maison en deux, puis après deux cousins, il y a toujours des problèmes de lapins. Donc, je demande à mon voisin si effectivement il kiffe avec ses lapins. Moi, c'est tout quoi, ce que je fais. Je n'ai pas voulu faire un truc ne serait-ce que décalé. Et c'est une histoire voilà, qui m'arrive et je propose voilà, une chanson. Quoi. Et bon, un peu après, cette chanson, il se trouve qu'elle m'a fait rencontrer énormément de gens, que je l'ai joué à plein de sauces, à plein d'endroits par hasard. Et donc voilà, c'est une chouette histoire, mais c'est une chanson. Mais c'est ça qui est quand même assez étonnant dans votre démarche. Vous dites, c'est simplement ma vie quotidienne, mes voisins avaient un problème de lapin, j'en fais une chanson. Entre parenthèses, si c'est un morceau qui a été écrit au début des années 2000, vous êtes un sacré visionnaire, parce que est-ce que tu kiffes les lapins ? Le mot kiffer, il venait à peine d'apparaître dans le langage commun. J'avais dû l'entendre quand même traîner. Et d'ailleurs, après, parce que tu kiffes, ça se dit pas trop en fait. Et non. Ouais, ça s'emploie pas trop comme ça, mais voilà. Bon, donc, vous utilisez le quotidien pour en faire des chansons comme ça, pour raconter ce que vous voyez. C'est vrai qu'il en sort quand même un univers complètement absurde, mais très humain, mais en même temps très décalé, très poétique. Et on se dit, ah ouais, quand même. Et quand vous en parlez, vous dites non, c'est simplement mes voisins qui avaient un problème de lapin. Oui. Et puis surtout que la chanson, moi, j'ai jamais rien compris. Enfin, j'ai eu une période où j'ai essayé de vouloir faire un peu. Je fais de la genre ACI, quoi. Donc là, c'est un album que vous avez enregistré qui s'appelle T'es lapin, voilà. Mais j'ai plein de trucs qui n'ont aucun intérêt, que j'ai écrit. Mais c'est toujours intéressant de se frotter au texte et de le porter devant des gens et de voir. Qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça... Mais oui, après, c'est pas un calcul, oui, bien sûr. Mais oui, enfin, bien sûr, c'est vrai que comme ça, on ne le penserait pas qu'il n'y ait pas un calcul. C'est vrai que le décalage, il est souvent inhérent à vos spectacles. Moi, je me souviens vous avoir vu en trio avec l'Antoine et Éric Larenne, où vous aviez justement joué T'es lapin. Tout de suite, on était dans un autre univers. Complètement décalé de ce qu'on était en train de voir jusqu'à présent avec votre trio, avec l'arène avec l'Antoine. Je sais pas, la chanson, elle marche, elle doit me correspondre. Oui, mais au-delà de la chanson, c'est ce que vous portez sur scène aussi, qui est toujours cette marque de fabrique. Une poésie un peu décalée, un peu absurde, un peu étrange, un peu extraterrestre. Non ? Probablement. Après, si, non, mais je suis content, hein, ça me touche, mais ce que je veux dire en disant c'est une chanson, c'est que, imaginez, je fais cette chanson et elle marche, par exemple, on va attendre de moi d'autres chansons du même acabit, quoi. Et là, je sais pas le faire, par exemple, quoi. Mais par contre, je comprends tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que, après, il y a un truc qui ressort de moi, quoi, que je fais des trucs avec Philippe et avec plein d'autres gens et tout, il y a quelque chose qui ressort, mais ça, j'y peux rien, trop, un peu. Voilà. Ouais. C'est un peu aussi inhérent à votre personnalité. On se souvient, donc, je parlais tout à l'heure d'un concert que vous aviez enregistré dans ce studio avec Corentin Grelier. Et pendant ce concert, il y a une conversation complètement surréaliste sur le... Et t'as une liste ? Oui, j'ai une liste. Et tu peux me dire quel est le morceau qui est après ? Mais après, quel morceau ? Eh bien, celui qu'on vient de jouer. Et c'est lequel ? La Buissonne. Ah oui, La Buissonne. Je te dis le titre, oui, tu me dis le titre. Ah bon? Et ça dure 30 secondes et on se dit, mais c'est travaillé ou pas? Et non, c'était dans le fil de la conversation. Ouais, sur tout ça, j'ai remarqué parce que c'est très dur. Enfin, là, oui, je me rappelle moyen, mais je veux dire, ça, par contre, si vous voulez garder ça, dire ah, c'est super, on le garde et on le reprend sur scène, et bien, c'est un peu comme ce que je disais pour la musique improvisée. Déjà, ça, on va se gameler pendant déjà un an à peu près. Pour essayer après, de le peut-être refaire. On va arriver à faire quelque chose, mais voilà. Ouais. Par contre, s'entraîner, se mettre en situation 2. Là, j'étais content, pour les 24 heures de l'accordéon, j'ai invité Laurent Avizou. Laurent Avizou, danseur, joueur de guitare, joueur de flûte, joueur de tout. Incroyable. Et j'aimais beaucoup. Et là, c'était l'occasion. Et donc, moi, j'étais avec l'accordéon. Et j'avais Pablo, donc, vous avez parlé au début, là, Pablo Nicolo, qui joue de la guitare électrique. Donc, il y avait deux guitares électriques et moi, l'accordéon. Et on était en bas, à la cave Poésie. On s'est proposé à 2h du matin avec une forme. Quoi. Je me suis dit, il n'y a pas grand monde qui va proposer cette forme-là. Et donc, on a fait de l'impro libre pendant une heure. Mais c'était incroyable. Enfin, en plus, c'est bien parce qu'on a filmé. Donc, c'est disponible comme ça. C'est disponible sur YouTube. Oui. Sur YouTube. Mais, et puis, il est incroyable, Laurent, parce que j'ai dit, on se voit donc, on se voit, oui, mais une heure avant, ok. Et j'ai dit, tu veux qu'on parle de ce que. Il me dit, moi, je préfère pas, non. Je dis, ok. Laurent Ravizou. Et c'est se mettre en situation, voilà. Ouais. Se mettre en situation, ça, c'est hyper important, plutôt qu'après d'essayer de refaire un truc que tu. Et comment on se met en situation, du coup? Elle est comme ça, tu appelles les organisateurs des 24 heures de l'accordéon, puis voilà, vous leur dites je ferais bien un truc impro à 4 heures du mat. À 4 heures du mat, j'ai les deux autres musiciens, préparez-moi la salle. Laurent Avizou, qui depuis quelques temps poste régulièrement sur Facebook ses danses en site urbain. Parce que c'est pas des danses urbaines, mais c'est des danses en site urbain. Il danse devant le métro qui est en train d'arriver, devant la Garonne, au milieu. Il y avait une série aussi devant des plages, je crois. D'un carrefour, oui, aussi. Mmh. Enfin, voilà, c'est incroyable. Aller voir cet univers aussi fantasque de Laurent Avizou sur le net. Allez, dernier morceau de votre liste. Où tu t'emmerdes, où tu vis vite. À 20 ans, la vie fait du vent. Passé 40, on bouche les fuites. On devine le bout du devant. Et la vie, on lui fait sa fête. Moi, je voudrais pas qu'elle me quitte. Vilaine amant, je la maltraite. Comme on s'aime, je cure ou je cuite. Va doux et vois le paysage. À compter les feuilles, arbre par arbre. Mes sens sûrs sur le visage. Quand ta monture aimée se cabre. Où s'en va coucher la folie? Quand on délice de rosir, et à quoi pense le joli, quand les loups hurlent de plaisir. Loïc Lantoine avec le Very Big Experimental To Be Free Orchestra, c'est une façon de boucler la boucle. On avait commencé avec les To Be Free, là c'est le. Alors déjà il y avait ça, c'est voilà. Vrai. C'est le To Be Free expérimental. Loïc Lantoine également quelqu'un, j'allais dire qui vous est proche, j'en sais rien, mais par contre avec qui vous avez énormément joué, que ce soit en trio beaucoup, avec la Reine, que ce soit avec les Musica Weir ou dans les étrangers familiers. Aussi. Et après on a fait un spectacle aussi avec Brigitte Fontaine. Avec des chansons et on a fait quelques spectacles avec elle aussi et qui s'appelle Oh Brigitte et là il était là aussi. Quelqu'un d'important pour vous, Loïc Lantoine? Ouais, bon c'est une rencontre en fait, c'est un personnage, déjà lui oui bien sûr, Éric Larenne il a ça aussi, il a une espèce de je sais pas l'expliquer trop, un peu comme si c'était de... lui il dit qu'il fait des cascades quoi, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en temps réel. Et avec une sincérité, quoi, où je sais pas, c'est difficile à expliquer finalement, quoi. Et il a une espèce de truc comme ça qu'il arrive à manier, une façon de faire, et que beaucoup aimeraient avoir quelque part, afin qu'on se demande un peu comment il fait, on sait que. Et c'est hyper intéressant de le. Connaître quoi, de voir que lui-même des fois il cherche aussi en fait, il est dans le voilà. C'est vrai que ce côté funambulesque peut avoir Loïc Lantoine, que peut avoir aussi Éric Larenne, c'est quelque chose aussi que l'on retrouve dans votre façon de concevoir le spectacle. Ah ben je suis content, alors je ne me rends pas compte. Mais après, il doit y avoir des affinités, parce que je sais qu'on aime bien travailler ensemble et tout ça, et qu'on se comprend, quoi, en tout cas. Donc sûrement, moi je le vois bien chez eux, et évidemment chez moi je ne le vois pas. Mais... Avec cet amour, effectivement, accompagnement de, on l'aura compris, de l'instrument, de la musique, multi-instrumentiste, effectivement c'est une réalité, mais aussi plusieurs facettes au niveau des spectacles. Il y a la danse, il y a le cirque, il y a la chanson, il y a la musique improvisée. C'est vrai que vous avez, et vous continuez à pratiquer pas mal de choses au niveau artistique. Ouais, ouais, peut-être que je... Comment... Pas mal de disciplines. Oui, oui, oui. Ça c'est les, un peu les hasards des rencontres, de... Ouais, mais à force de dire les hasards... Moi, je dis trop hasard, là. Voilà. Moi, je vais la lever. Les hasards, on se les fabrique quand même. Et j'ai pas dit projet. les hasards, on se les fabrique. Vous disiez tout à l'heure se mettre en condition, mais c'est vrai que les hasards, on se les imagine et on se les fabrique. Ouais, probablement. Après, on va là où on trouve son compte, un peu là où on... Je ne sais pas si on choisit tant que ça, en fait. Par exemple, le dernier spectacle auquel vous avez participé, c'était il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, en Bretagne. Vous avez accompagné pendant un petit mois un spectacle équestre. Comment ça arrive, ça? Ça, le hasard. Ah mais alors là, vous pouvez pas mieux tomber. C'est, mais alors, le hasard du hasard. Alors, si, bon, je vais essayer de le faire court parce que c'est très long. Mais oui, et puis c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. mais c'est vraiment. Alors, je ne sais pas comment le faire court parce que c'est vraiment le hasard. C'est-à-dire que ma fille fait du cheval, elle est dans un club équestre, on a un peu de terre à la maison et donc elle me demande un cheval depuis longtemps. Un voisin a amené un cheval. Je fais très très court. Et puis elle s'est attachée à ce cheval et bon, un voisin a amené deux chevaux là parce que juste on a prêté la terre à Faye. Et avec un qu'on avait du mal à attraper, elle a commencé à s'en approcher pendant le confinement, etc. Et puis, ils ont repris ce cheval, et moi, je n'osais pas acheter un cheval, parce que bon, un cheval à la maison, j'en ai jamais eu et tout, je me disais, oula, faut s'en occuper. Faut s'en occuper, on ne sait pas trop, enfin, on ne sait pas qu'est-ce qu'on achète et tout. Donc, de but en blanc, enfin, je savais qu'il était à vendre, ce cheval, mais je me disais, on va voir, peut-être prendre une pension, comment on peut faire, enfin, ça serait chouette qu'elle pisse, parce qu'elle en a fait beaucoup, qu'elle en ait un peu plus proche, comme ça. Il a été vendu du jour au lendemain, donc je me suis dit, aïe, ouais d'accord, je vois le truc, c'est vrai que le mec il vend des chevaux, c'est normal, il va pas attendre, dire ah mais il y a peut-être quelques mots. Et bon, de fil en aiguille, on a fini par avoir un cheval, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'à la maison c'est pas pareil qu'au club, et on a pris quelqu'un pour le débourrer. Alors si on ne parle pas de hasard, Laurent Galinier, et je savais qu'il faisait des spectacles, je l'avais vu une fois, et Manon, ma fille, elle avait vu une annonce de lui, comme quoi il débourrait des chevaux, donc on est allé chez lui, et puis je l'ai vu faire, ça m'a touché quoi, de le voir avec, alors en plus c'était ma jument, c'était ma fille et tout, donc j'étais dans un truc très émotionnel quoi, mais sa façon de, et je savais qu'après il a une formation un peu clown, et il fait un spectacle, tout ça, et donc je me suis dit, petit, à force de le voir travailler, je lui ai proposé de l'inviter sur un spectacle. Enfin, à Saverdun, c'est la compagnie du Chat Noir où j'ai pu des fois inviter des gens. Il y a eu Jean-Luc, un mestre que j'avais invité comme ça la première fois. Et Corentin, c'était ça la première fois aussi. Et donc, ben, il me dit oui, pourquoi pas. Enfin, mais on savait pas trop ce qu'on allait faire. Moi, c'était parti sur de la musique improvisée, un cheval et lui. Bon, et sauf que ça s'est pas fait parce qu'il y a eu le confinement. On allait rester là. Et du coup, c'est lui qui m'a proposé. Après, il me dit ah, mais par contre, il avait un spectacle. C'est pas ce qu'on a fait en Bretagne. Là, c'était un truc plus gros. C'était de fil en aiguille. Il y avait des voltigeurs et tout. Mais il avait un spectacle qui tournait avec un facteur, un personnage de facteur, comme ça, un peu... Le facteur cheval, bien entendu. Ah oui, alors ça voilà, ça, c'est notre groupe, mais un univers un peu Jacques Tati, et où il arrive avec des colis au début, après le cheval arrive, et il y a tout un double jeu où il a peur du cheval, et petit à petit, il l'approche, et il se passe des trucs. Bon. Et il m'a proposé de l'accompagner, voilà. Et donc là, hasard ou pas hasard? Eh ben ouais, allez, on va dire... Mais quand même, bon, avec ce regard, ce voilà, un côté artistique, enfin... Ouais, oui, hasard, sauf que vous le voyez et vous vous dites, ah ben tiens, il y a quand même quelque chose peut-être à faire. C'est chouette d'essayer un truc, après voilà. Une envie d'essayer des choses nouvelles et tout ça, quoi. Et donc, ouais, on joue pas mal. Et là, j'ai découvert encore une autre chose, justement le fait de ne pas être regardé, ça c'est super. Et ouais. C'est-à-dire que les gens, ils vous regardent une seconde, ah ok, d'accord, c'est live la musique, et puis ils regardent le cercle avec le cheval, et vous êtes mais complètement au cœur du truc, parce qu'en plus c'est super, on met quatre haut-parleurs, l'accordéon, les gens ils l'ont comme s'ils l'avaient vraiment devant. Et donc un nouveau truc musical que j'avais jamais exploré, quoi. Incroyable. Le musicien qu'on entend mais qu'on voit pas. Ouais. Merci en tout cas Claude Delrieux, merci, d'être venu partager cette heure avec nous. Votre liste est donc terminée. Ça va, ça a été pas trop dur. Ah ben oui, des montagnes russes quand même, assez fantastique. Claude Delrieux, donc que l'on peut voir de temps en temps à Toulouse jouer avec Corentin Grelier et son sept têtes, mais que l'on peut voir dans d'autres contextes. Reportez-vous à vos gazettes, il joue quand même assez régulièrement dans la région, mais la plupart du temps maintenant au-delà. Claude Delrieux était donc l'invité de cette liste. Merci à Thomas Delafosse d'avoir réalisé cette émission. Merci à Loïc Laporte d'en avoir composé le générique original. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve, et sans doute dans pas très longtemps, pour une nouvelle liste. Salut.